بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On continue inshallah sans plus attendre sur notre lecture du livre dont on est toujours sur l'étude et l'effort de compréhension le livre le monothéisme bénéfique à l'état pur. Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Et on s'est arrêté la fois dernière. عند قول المصنف رحمة الله عليه. Lorsque l'auteur dit celui qui n'a aucune science, aucune perspicacité, aucun outil d'analyse sur lequel s'appuyer comme l'analogie ou autre, ne doit pas protester que son modèle est plus à même de pénétrer les intentions du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce genre d'excuse est inutile. Il est possible de tenir ce discours avec un individu reconnaissant que personne n'est exempt d'erreur en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ce dernier conteste ce principe, il n'y a plus de discussion à avoir avec lui et celui-ci encourt un danger terrible. Il peut malheureusement aller plus loin en se permettant d'insulter son adversaire et de porter atteinte à son honneur ou sa religion. Il peut même s'en prendre directement à sa personne en lui infligeant une punition ou en lui faisant des ennuis. Il se transforme ainsi en criminel, il se fait l'agent des pervers. Cette partie-là, donc c'est la dernière partie de la quatrième catégorie. Puisqu'on est toujours sur la question, comme on avait dit, maintes fois dans les assises précédentes, sur quel est le bénéfice et les sagesses derrière les prescriptions divines, c'est-à-dire derrière les adorations. Quelles sont les sagesses et l'utilité et le bénéfice qu'il y a derrière les adorations. Et l'auteur a mentionné quatre tendances, c'est-à-dire quatre pensées. Et là, on est toujours sur la quatrième, on est à la fin de la quatrième pensée. Mais je voulais bien qu'on éclaircisse ce dernier paragraphe, lié à la quatrième pensée. Ensuite, l'auteur va mentionner une dernière question dans son œuvre liée au fondement de l'adoration. La dernière question qu'il va le mentionner, ça sera de son œuvre et on terminera l'étude de cette œuvre avec les fondements de l'adoration. Donc, il va terminer et conclure son œuvre d'une manière très pertinente du fait qu'il va nous mentionner ensuite quels sont les fondements essentiels de l'adoration pour être un bon dévot, un véritable adorateur de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ce dernier paragraphe dans la quatrième catégorie, il faut bien le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enseignements qui sont immenses. C'est pour cela qu'on fait une petite halte, on s'arrête sur ce paragraphe pour bien le comprendre. Et d'ailleurs, l'auteur du commentaire, Ifadat al-Mustafid, dit que ces paroles-là, on peut les écrire avec de l'encre d'or. Avec de l'encre d'or, tellement que l'enseignement est bénéfique. Je vais vous résumer pour qu'on puisse passer à la dernière question. Je vais vous résumer la question. L'auteur, après qu'il nous ait parlé du fait que l'élément essentiel, aslul ibada, la base essentielle pour l'adoration, c'est l'amour. L'adoration est basée sur al-mahabba, l'amour du Créateur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous mentionne que cet amour-là du Créateur, il y a un élément, une base essentielle liée à cet amour. C'est l'amour de son prophète. Aimer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, dans un verset, Allah dit au prophète, dis-leur, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Donc le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de l'amour du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc si on aime véritablement le Créateur, Allah Azza wa Jal nous ordonne de suivre le messager d'Allah. Pour cela, dans un verset, dans un passage dans le Coran, Allah nous dit « وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » Et ce que vous donne le prophète, vous ordonne le prophète, alors faites-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Une traduction littérale du verset. Donc l'obéissance au messager d'Allah Azza wa Jal fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, suivre le prophète Mohammed, ça fait partie de notre amour qu'on a pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, l'auteur, dans cet énoncé, dans ces paragraphes, il dit donc, si on aime notre créateur, on aime les prophètes et les messagers. On aime les anges, par exemple, puisque les anges, ce sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et tout croyant et croyante croit au monde des anges. Et Allah Jalla wa'ala les a créés de lumière. Ensuite, il y a une croyance au niveau des anges, comme on a déjà relaté cela, et on relatera cela dans d'autres assises, Allah nous le permet. Il y a une croyance qui est globale et une croyance qui est détaillée. La croyance globale, c'est de croire aux anges d'une manière générale. La croyance détaillée, ça, c'est lié à chaque personne. Cette croyance-là varie selon le niveau de connaissance de la personne. C'est-à-dire croire aux anges d'une manière détaillée. Croire en l'ange Gabriel, par exemple, Jibril, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Aux autres anges, il y a d'autres anges. Et croire aux anges, plus la personne a de la connaissance, plus il connaît les anges, de manière détaillée, avec leurs fonctions. Allah, Jalla wa ala, le créateur, les a mandatés pour une fonction bien précise. Et le croyant croit en cela. Et donc, ça implique, l'amour du créateur implique qu'on doit aimer les prophètes, on aime les anges. Et donc, ça implique aussi que dans notre religion, la parole qui est prise en considération, celui qui est infaillible, qui ne se trompe pas dans la religion, c'est le prophète de Dieu, c'est le prophète d'Allah, c'est le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'auteur fait allusion à cela, donc on accepte son ordre, on se soumet à l'ordre d'Allah, donc on suit l'ordre du messager d'Allah, les enseignements de son prophète. Et donc ça implique, et là vous allez comprendre bien l'enseignement de l'auteur. Pourquoi ? Parce que ça c'est à des siècles, l'auteur au siècle où il écrit cela, et on voit que ça c'est une parole inspirée d'Ibn al-Qayyim. Ça c'est des paroles d'Ibn al-Qayyim dans l'un de ses livres, que vous pouvez retrouver dans Tariq al-Hijratayn de Ibn al-Qayyim. Dans ce livre-là, vous trouvez cette parole d'Ibn al-Qayyim. Donc l'auteur lui-même s'est inspiré des propos de Ibn al-Qayyim, que la miséricorde de notre créateur soit sur lui. Et donc, dans ces siècles précédents, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de grands théologiens musulmans, beaucoup de savants musulmans ont subi des torts de gens qui étaient trop fanatiques, de gens fanatisés et fanatiques de leur groupe, de leur appartenance, de leur cheikh, de leur imam. De sorte que, en réalité, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus celle qui était directement acceptée. Elle était devenue comme en réalité chez eux secondaire. Et donc, par exemple, beaucoup faisaient passer la parole de l'imam de l'école avant celle du messager d'Allah. La parole du chef de la confrérie avant celle du messager d'Allah. La parole de leur enseignant, de leur cheikh, de leur imam avant celle du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ici, l'auteur, ici en quelque sorte, il va réfuter cette forme de fanatisme. Et donc, regardez, et là vous allez mieux comprendre ensuite la parole. Et dit, c'est pour ça, le prophète est sa référence. Celui qui aime Allah Azza wa Jal, son prophète, le prophète d'Allah devient la référence pour le croyant et pour la croyante, pour le musulman et la musulmane. Il se soumet à ses commandements et ses enseignements. Il dit alors, il est excusable dans la mesure où il n'a pas pu faire autrement. C'est-à-dire, s'il n'a pas pu apprendre les enseignements du prophète, et puis lui, il fait des choses qui contredisent les enseignements du prophète, mais lui n'a pas pu apprendre, il n'a pas pu faire autrement. Il n'a pas eu accès à la connaissance. D'une certaine manière, celui-ci peut être excusé. Parce que lui, son voulu et son intention, c'est de suivre le prophète, mais il n'a pas eu accès à la connaissance, à la compréhension. Il n'a pas pu savoir quels étaient les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, il dit, il peut avoir accès à la sunna du prophète et avoir conscience qu'il met en avant d'autres enseignements. En revanche, regardez ce qu'il dit, certains ont accès à l'enseignement, à la connaissance des enseignements réels du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais s'opposent, tout au parti ou sire. Ils daignent cependant se tourner vers la parole du prophète, ou tout au moins, vers celle d'un savant plus à même d'être écouté. Il court dans ce cas vers un grand danger. Et ça, c'est le cas de beaucoup de musulmans qui sont tombés dans une forme de fanatisme, de leur shir, de leur imam. De sorte, regardez, l'auteur ensuite dit qu'il ne pourra pas trouver prétexté par le manque de connaissances ou le manque de savoir. Il dit ensuite, et là on va mieux comprendre le paragraphe, celui qui n'a aucune science, aucune perspicacité, aucun outil d'analyse sur lequel s'appuyer, comme l'analogie ou autre, ne doit pas prétexter de son modèle et plus à même de pénétrer les intentions du prophète. Ce genre d'excuse est inutile. Je vais vous simplifier, comme l'ont simplifié certains savants, la compréhension de ce paragraphe qui est très pertinent. Les enseignements sont très pertinents. Pour cela, l'auteur, comme on l'a dit précédemment, de Ifadatul Mustafi, dit qu'il faudrait l'écrire avec de l'encre d'or. De sorte que la personne ne peut pas se cacher derrière le fait « je n'ai pas de connaissance, je n'ai pas de perspicacité, je n'ai pas la compréhension des textes ». Je vous donne un exemple. Si par exemple, une personne commet un acte de shirk, quelque chose dans notre religion qui est interdit, c'est le plus grand péché de notre religion. Par exemple, lui, il considère, pour se rapprocher du Créateur, qu'il faille adorer un wali, un mort. Et il pense qu'en adorant ce mort, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui sont lettrés, instruits, qui ont la clairvoyance, lui disent que ça, c'est interdit. Tu ne peux pas te rapprocher du Créateur par le biais ou l'intermédiaire d'un mayyit, d'un mort, d'un wali, ce qu'ils appellent l'awliya. Allah Jal wa'ala te demande de l'invoquer directement et de l'adorer directement. Allah n'a pas besoin qu'on prenne des intermédiaires et des associés. Alors, tu lui fournis les preuves et les arguments que ceci ne fait pas partie de l'adoration du Créateur. Et lui te dit, moi j'ai pas d'ilm. Moi j'ai pas de connaissance. Regardez. Celui-ci dit, je n'ai aucune connaissance, aucune perspicacité, aucun outil d'analyse sur lequel m'appuyer. Alors lui, il te dit, j'ai pas de connaissance moi. Je sais pas. Pourquoi ? Parce que lui, son imam, lui a dit que tu peux. Et lui, il te dit, mon imam, ou le shir, mon enseignant, est plus à même de savoir les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Or, on lui met en avant les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont clairs et irrévocables, que le prophète Ansem a enseigné sa nation d'adorer le Créateur directement. Mais lui, devant les paroles et les enseignements du prophète, il te dit, moi je n'ai pas de connaissance. Mon cheikh, il m'a dit ça. Mais les preuves sont claires. Une personne, par exemple, qui s'approche devant la... qui voudrait, parce qu'on ne peut pas, mais qui voudrait, par exemple, s'approcher devant la tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et l'adorer. Les textes sont clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu qu'on l'adore directement. Et parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma la taj'al qabri wa yu'bad. Le prophète a dit, ô Seigneur, ne fais pas de ma tombe un lieu de culte ou un temple adoré. Traduction relative. Si on transmet l'enseignement, le hadith est clair. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs. Que le prophète nous interdit de l'élever, nous interdit de l'adorer directement. Si la personne, on lui met les textes, et te dit, moi j'ai pas de connaissance, je connais pas, moi j'ai demandé à mon cheikh. Mais là, la parole du prophète, donc elle est secondaire. Regardez, l'auteur dit, celui qui n'a aucune science, aucune perspicacité, aucun outil d'analyse sur lequel s'appuyer, comme l'analogie ou autre, ne doit pas prétexter que son modèle est plus à même de pénétrer les intentions du prophète. Son modèle, c'est-à-dire son cheikh, son enseignant. Et donc, c'est ce qui s'est passé à certaines époques, jusqu'à aujourd'hui, les fanatiques al-muta'assibin, al-ta'assub bil-madhahib, le fanatisme des écoles, lorsqu'ils se sont fanatisés pour leur école, alors, l'école et l'imam dit, lorsque vous le dites, le prophète a dit, lui, sa référence est l'école. Et il te dit, si l'école dit cela, et si l'imam de l'école a dit cela, c'est que c'est le haq, c'est la vérité, moi je ne sais pas. et sur de nombreuses questions. Sur de nombreuses questions. Dans certaines mosquées, par exemple, vous trouvez dans certains pays musulmans, dans certaines mosquées, par exemple, il y a des tombes. Et ils considèrent qu'une mosquée, il doit y avoir une tombe. Vous allez faire Azzawiyat, dans nos pays, par exemple en Afrique du Nord, vous allez voir Azzawiyat. Et dans chaque Zawiya, il y a une mosquée avec la tombe du Wali. La tombe du Wali. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est que Hufaz al-Qur'an, dans ces endroits-là, les gens apprennent al-Qur'an dans ces Zawiyat. Et beaucoup de Zawiyat, il y a al-Qabr du Wali. Si on leur amène les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier devant une tombe. Les morts sont morts. Et ils ont un lieu où ils sont enterrés, le cimetière. La mosquée, c'est le lieu de culte pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc c'est le lieu de recueillement, d'adoration, d'invocation pour adorer Allah Azza wa Jal. Si on leur amène toutes les preuves. La'anallahu qawman ittakhada qubur anbiya'ihim masajid. Et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Et il te dit, moi le cheikh il a dit. Donc, on voit que la parole du prophète Hassam était secondaire. Et beaucoup d'écoles aussi, comme on l'a dit précédemment, lorsqu'on leur ramène le hadith, ne prennent pas le hadith si l'école dit cela. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'était un grand trouble. Pourquoi? Parce qu'ensuite, lorsqu'il y a eu l'émergence des écoles, qu'est-ce qui s'est produit? Les gens se sont fanatisés pour leur école, et donc par exemple, ceux qui étaient d'obédience chafiite ne se mariaient pas avec ceux qui étaient d'obédience hanafite. Et à l'inverse, il fallait que des chafiites se marient avec une chafiie. Ou al-hanafi yatazawwaj bi al-hanafi. Wa hakada. Jusqu'à ce qu'à une certaine époque, même dans le haram à la Mecque, il y avait quatre imams. Un imam d'obédience hanbalite, un imam d'obédience chafiite, hanafite et malikite. Chacun yata'assab li madhhabi. Et ça, c'est au niveau des écoles juridiques, ou au niveau des questions de croyance ou autres. Le shir, Iyadu'ifadatul Moussi, nous a expliqué. Celui qui a moyen d'arriver, de parvenir à la connaissance, de pouvoir chercher. Il y a des choses qui sont claires. Par exemple, ton imam te dit, tu peux boire, c'est permis dans l'islam de boire de l'alcool à un certain degré. Tant que tu n'es pas en état d'ivresse, tu peux boire de l'alcool. Musulman même qui n'a pas un doctorat ou un master en sciences religieuses sait que l'alcool est interdite. Donc, lui, il sait, il peut atteindre ce savoir que l'alcool dans l'islam est interdite. Donc s'il fait passer la parole de son shir, alors que lui il a les outils et les moyens de connaître, là il a fait passer la parole d'Allah et de son messager d'une manière secondaire. Il ne peut pas prétendre l'amour du Créateur. C'est ça ce qu'explique l'auteur. Il ne peut pas prétendre l'amour du Créateur. À ce moment-là, la personne, il peut connaître la vérité. Il peut connaître la vérité. Une personne, par exemple, le shir, même si c'est un imam connu pour sa piété, connu, c'est un modèle de piété, il est vertueux, un bon imam qui a étudié, un shir, il te dit, il est permis de consommer de la drogue. Il est permis aussi de vendre de la drogue, d'en faire un commerce. Si la personne a les capacités de pouvoir vérifier, chercher, de se dire comment le shir, comment l'imam peut permettre la consommation de drogue, il va te dire c'est pas écrit dans le Coran que la drogue c'est interdit. Là, si le musulman il a la capacité de pouvoir chercher, vérifier et d'arriver au but que la drogue, l'unanimité des savants, est interdite. La drogue est interdite, donc la consommation est interdite, et aussi vendre, cela est interdit. Est interdit. Ce que font beaucoup de jeunes de banlieue lorsqu'ils font le commerce de la drogue, c'est interdit, c'est haram. Beaucoup viennent faire la prière, et ensuite, juste après la prière, ils continuent son commerce. C'est haram, c'est interdit. Et il se fait du mal à lui-même, il fait du mal aux autres, il fait du mal aux membres de sa famille. Pourquoi? Parce que ça va être la cause de malheur. Et donc c'est interdit. Celui qui a la capacité de pouvoir connaître la vérité, au moment qu'il connaît la vérité, il n'a pas à faire passer la parole de son imam ou de son cheikh. Vous comprenez mieux? Par contre, on a parlé aussi du cas où maintenant, celui qui n'a pas la capacité, il peut pas. Ils vivent dans une contrée, ils vivent dans une contrée où ils ont un cheikh, ils ont un imam, et eux, ils pensent que ce que dit l'imam, c'est la vérité. Eux, pour eux, ils suivent le prophète, en somme. Donc là, c'est une catégorie différente. Ils veulent pas contredire le prophète. Eux, ils font des choses, même qu'ils sont contraires aux enseignements du prophète, en somme, mais eux, ils pensent qu'ils suivent le prophète. Pourquoi? Parce que eux, ils ont posé la question à leur cheikh. Et ils vivent dans une contrée, ils n'ont pas accès au savoir. Le seul pour eux qui a le savoir, c'est le cheikh. Donc eux, ils suivent le cheikh. Mais eux, ils pensent qu'ils sont en conformité avec les enseignements du prophète, en somme. Cela, c'est de cela que, ensuite, l'auteur du Fadat al-Mustafid a fait allusion dans la dernière assise que j'ai traduite. Il fait allusion à eux. Eux peuvent être excusés, en quelque sorte. Eux, ils ne veulent pas contredire l'enseignement du messager d'Allah, mais eux ne savent pas, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité. De ce fait, lorsque tu n'as pas la capacité de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, il faut poser la question. Il faut poser la question. Et on avait terminé avec cela. Lorsqu'on ne sait pas, on pose la question. Mais on pose la question donc à des gens de confiance, à des gens connus pour leur connaissance, à des savants érudits qui ont vraiment étudié, qui ont la clairvoyance, la connaissance des textes, la bonne interprétation et la bonne connaissance, dont on fait confiance, on a une confiance en leur savoir. Là, si nous on n'a pas les outils pour comprendre, alors on demande à des érudits que eux ont les outils et eux ont la connaissance. Et là, on peut faire confiance. Vous comprenez? C'est ça donc qu'on a expliqué. Et donc de ce fait, si par exemple, vous êtes à la mosquée, vous rentrez, et vous êtes en retard pour la prière. Et donc dans votre prière, vous vous êtes trompé. Et donc vous ne savez pas, est-ce que votre prière elle est valable? Est-ce qu'elle n'est pas valable? Est-ce qu'il faut la réitérer? La recommencer ou non? Alors, dans ce cas-là, vous allez poser la question. Mais à qui vous allez poser la question? Vous allez poser la question à une personne dont vous faites confiance. Une personne dont vous faites confiance, une personne dont vous savez qui a la connaissance. Et lui, s'il a la connaissance de la question, il va vous répondre. À ce moment, si vous dites de réitérer la prière ou ne pas réitérer la prière, de recommencer, vous pouvez suivre. Vous suivez. Vous avez une question dans d'autres domaines, dans le domaine de la zakat, dans le domaine du mariage, dans le domaine du divorce. Comment cela se fait religieusement? Vous avez une question, vous n'avez pas étudié ces domaines. Vous n'avez pas étudié le domaine, par exemple, des testaments, al-fara'id, l'héritage. Vous posez la question à qui? Aux gens doués de savoir. Fas'alou ahl al-dhikr in kuntum. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et là, vous avez fait votre obligation. Si on n'a pas les outils de chercher, on n'a pas les compétences, là, on demande à des gens compétents, à qui on fait confiance. Et ensuite, on peut suivre leur avis. On peut suivre leur avis. C'est ce qu'on expliquait dans la dernière assise lorsque l'auteur dit. Qala. إذا كان عاجزا عن معرفة الحق وطلبه فيختار من يثق بعلمه ودينه ويقلده لا بأس لا بأس. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ولكن الذي عنده مقدرة أو مقدرة على أنه يبحث ويعرف الحق ويعرف دليل إمامه الذي يقلده فيجب عليه ذلك ولا يكون إمعاء ولا يعتقد العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام الجليل من أهل العلم والسلف قد يخطي لأنه بشر. فما دام عندك إمكانية فلا تعجز عن طلب الحق ولا تقلد أحدا وأما إذا كنت لا تقدر على هذا وليس عندك إمكانية فقلد من تثق بعلمه ودينه. وهذا معنى قوله فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. Comprenez, on s'est arrêté sur cette parole de l'auteur du Fadatul Mustafid, c'est une très belle parole. Il dit, si tu as les capacités de pouvoir reconnaître la vérité, tu as capacité de pouvoir chercher dans les questions, alors il dit, tu dois faire cet effort intellectuel. Pour savoir vraiment est-ce que tu es en conformité avec les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si, إِذَا كُنْتَ عَجِزًا عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ, si tu n'as pas la capacité de pouvoir connaître la vérité, qu'est-ce que tu dois faire alors? Il y a des questions, beaucoup de questions de la religion, nous on ignore. Faisant partie des gens de la masse, on ignore. Qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh, il nous donne la solution. فَإِنَّهُ يُقَلِدْ مَنْ يَثِقُ بِعِلْمِ. Tu suis, tu imites celui dont tu as confiance, tu fais confiance en son savoir. Et là, tu es en conformité avec la parole du Créateur. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ahl al-dhikr, les gens du rappel. Al-ulama. Al-mutamakkinin, ceux vraiment qui sont compétents, qui ont l'habilité. Pas demander à des gens ignorants. Et on est dans l'époque, justement, où l'ignorance va s'installer, se propager. Et ceux qui prétendront al-ilm, en réalité, sont des ignorants. Il faut faire très attention, ne pas demander à des ignorants. Revenez aux gens de savoir. Mais, donc, si tu peux pas, tu demandes aux gens du savoir, à ceux que tu fais confiance. Et tu dois avoir la conviction que celui qui est infaillible, celui qui ne se trompe pas, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si ça, on l'a compris, maintenant, vous allez mieux comprendre. Je vais relire le paragraphe que j'ai lu, et là, on va mieux comprendre. Regardez maintenant ce que dit l'auteur. Celui qui n'a aucune science, aucune perspicacité, aucun outil d'analyse sur laquelle s'appuyer, comme l'analogie ou autre, ne doit pas prétexter que son modèle est plus à même de pénétrer les intentions du prophète. Ça, c'est le cas lorsqu'on a dit, on lui ramène la preuve, l'enseignement est clair, et il te dit, moi, j'ai pas d'ilm. Beaucoup le font. Moi, j'ai demandé au shir. Moi, je sais pas, moi, j'ai pas d'ilm. Man, d'ilm, mana. J'ai pas d'ilm. J'ai pas de connaissance. Par exemple, il jure par un autre qu'Allah. Tu lui dis, le prophète, ça m'a dit, man halafa bi ghayrillah faqad kafar aw ashrak. Tu dis, moi j'ai entendu la dernière fois un cheikh, il a dit qu'on peut. Naram, toi ton cheikh, il a dit on peut. Lakin qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man halafa bi ghayrillah faqad kafara wa ashrak. Faire un serment par un autre que le créateur, c'est du shirk. Tu dis, moi je sais pas. Allahu a'lam. Mon cheikh, il connaît mieux que toi et moi. On lui dit qala rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça à l'époque des compagnons, imaginez-vous. Des compagnons l'ont dit pour Abu Bakr et Omar. Abdallah ibn Abbas, il dit, il est sur le point que des pierres tombent du ciel. Je vous dis, qala Rasulullah sallam, vous me dites, qala Abu Bakr wa qala Omar. Si ça c'était le cas pour les deux meilleurs de la nation, quel est le cas pour autre? Ça c'est quand c'est clair. Donc regardez, l'auteur, c'est ça qu'il dit. On peut pas prétexter de, je n'ai pas de savoir, je n'ai pas de perspicacité, je n'ai pas d'outil d'analyse. Ce genre d'excuse est inutile. Regardez ce qu'il dit. Ce genre d'excuse est inutile. Il est possible de tenir ce discours avec un individu reconnaissant que personne n'est exempt d'erreur en dehors du prophète. Mais si ce dernier contexte ce principe, il n'y a plus de discussion à avoir avec lui. Et celui-ci se fait du tort. Il est en danger. Maintenant, une autre catégorie dont fait allusion l'auteur. Et écoutez bien. Il dit maintenant, il se peut que celui-ci, en réalité, il contexte ce principe. Que la parole du prophète, passe avant la parole de son cheikh, ou de son imam, ou de son leader, ou de son za'im, s'il contexte lui-même ce principe. Alors il dit, فَهُوَ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ. Sa religion est en danger. Et il dit, et il peut malheureusement écouter bien. Et à la fin, peut-être ce paragraphe, on ne l'avait pas assez bien compris, là on va mieux le comprendre. Il termine en disant, il peut malheureusement aller plus loin et se permettre d'insulter son adversaire et de porter atteinte à son honneur ou sa religion. Il peut même s'en prendre directement à sa personne en lui infligeant une punition ou en lui faisant des ennuis. Il se transforme ainsi en criminel et se fait l'agent des pervers. Qu'est-ce qu'il veut dire là l'auteur? Et son prana, c'est la réalité, c'est ce qu'on voit. Il se peut qu'une personne contexte ce fait-là Et quand tu lui fais le rappel, tu dis non, ça ne fait pas partie des enseignements du prophète. Alors lui, il y a le premier cas, celui qui te dit, moi je n'ai pas de connaissance. Ma'andi ilm. Celui qu'on a dit à la catégorie. Moi je n'ai pas de connaissance, je ne sais pas. Moi le cheikh il a dit comme ça. Mais il y a une autre catégorie que lui, si tu le contredis, il va se mettre en colère. Tu ne peux pas le contredire. Et si tu lui rapportes les arguments, et lui, ensuite, se retrouve sans argument face à toi, alors il peut s'en prendre à toi, toucher ton honneur, t'injurier, t'insulter et t'affliger des torts. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Et subhanallah, c'est exactement, et depuis des siècles, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de contrées. Beaucoup, par exemple, dans notre communauté, ils font des actes de polythéisme. Lorsque vous leur dites, il faut pas adorer le wali. C'est pas, il va te dire, je sais pas. Beaucoup, si tu contredis l'adoration du wali en disant que ça ne fait pas partie de l'adoration du créateur, alors, il peut t'injurier. Il peut t'insulter. Il peut en venir à la violence. Regardez comme les extrémistes religieux. Lorsque vous partagez pas leurs idées, ils en viennent à la violence, aux insultes, aux injures. Regardez, il y a même de grands savants, de grands théologiens, vous avez vu, leur vie a été en jeu lorsqu'ils ont contredit des grands extrémistes dans la religion. Si vous n'avez pas leur pensée, et malgré que vous allez leur rapporter les preuves, ils peuvent vous injurier, vous insulter. Ils peuvent vous causer du tort. Et là, ensuite, eh ben, ils se transforment. Ils se transforment, et l'auteur le dit très bien, en très belles paroles, il dit... Regardez, فَهُوَ مِنَ الظَّلَمَةِ الْمُعْتَدِينَ نَوَّابُ الْمُفْسِدِينَ نَوَّابُ الْمُفْسِدِينَ. C'est pour ça que certains qui avaient la connaissance, la science, souvent c'est dur pour les gens lettrés et instruits d'enseigner à celui qui est ignorant. C'est pour ça que l'imam Shafi'i il dit, j'ai débattu avec des savants, je les ai vaincus. Mais lorsque j'ai débattu avec l'ignorant, il m'a vaincu. Il a débattu l'imam Shafi'i à des grands savants. Des grands savants. Il dit, je les ai vaincus. Mais lorsque je débat avec des ignorants, ils m'ont vaincu. L'ignorant, tu peux pas débattre avec lui. Il ne connaît pas. Il n'a pas d'outils. Il n'a pas de perspicacité. Ton langage du savoir, il ne le comprend pas. Il a des éléments dans son esprit. Il pense que tout se restreint à ce qu'il a dans son esprit. Donc il ne peut pas te comprendre. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah disait une très belle parole. Il disait, lorsque on y vit une période de trouble, lorsqu'une fitna vient, il est très dur pour les gens sages et les gens de connaissance de préserver les gens qui sont pas doués de raison. C'est très dur. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont pas doués de raison, qui n'ont pas de clairvoyance, il est très dur de les rappeler à la clairvoyance. Et c'est pour ça que souvent, le travail de la personne instruite et lettrée est très compliqué. Et très compliqué, pourquoi ? Parce que des gens pensent connaître, ils pensent connaître, en réalité, ils ne connaissent pas. Et donc, ça peut terminer en injures, en insultes. Et comme cela, vous savez, dans les sociétés avant, les sociétés étaient, il y avait beaucoup de débats théologiques. Beaucoup de débats théologiques. Et par exemple, les autorités, c'est quel pouvoir ? Si, dans les débats théologiques, il y avait des convictions qui n'étaient pas conformes aux leurs, même si eux, leur conviction à eux-mêmes contredisait les enseignements du prophète, sans ça, ils n'acceptaient pas cela. Ils n'acceptaient pas cela. Et donc, on voit que c'est le fonctionnement des êtres humains lorsqu'ils sont ignorants. Donc, vous comprenez mieux maintenant la fin de le passage, la fin, lorsque l'auteur dit, il peut malheureusement aller plus loin et se permettre de t'insulter, d'insulter son adversaire, de porter atteinte à son honneur. Comme on voit aujourd'hui, certains par exemple qui sont pas d'accord avec des savants, avec des ulamas, et comprennent pas leur avis, et commencent à dénigrer le savant, et commencent à parler sur son honneur, à dénigrer son honneur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas d'accord. Alors que le savant se base sur des preuves et des textes, et eux n'ont aucune preuve. Regardez, pendant un moment, lorsque les pensées extrémistes chez beaucoup de jeunes s'étaient propagées, on leur apportait les paroles de savants. On leur apportait les paroles de grands érudits. ils n'écoutaient rien. On leur apportait des arguments qui étaient irrévocables, qu'ils n'ont aucune preuve ni dans les textes du Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tout, ils ne suivaient pas, ils n'écoutent pas. Et dans leur site, ils injurent les ulama, ils injurent les étudiants en science, et ils touchent leur honneur. C'est exactement ce qu'explique l'auteur. Donc là, vous comprenez mieux lorsqu'il dit, il peut malheureusement aller plus loin et se permettre de t'insulter, d'insulter son adversaire, atteinte à son honneur et à sa religion. Il peut s'en prendre même directement à ta personne. Vous avez compris maintenant comment l'auteur termine cette quatrième catégorie? Donc là, c'est plus clair. Nous asil wa nukmil al-mas'alat al-akhira التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النفيس. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. قال: فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه، وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عن وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به ولو وعنه، والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه وطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فقول العبد في صلواته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله إياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى، والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، وآله وصحبه ووارثه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب، والحمد لله رب العالمين. Dans une traduction du dernier enseignement que nous enseigne l'auteur. L'auteur maintenant, il termine, il conclut son livre en disant les fondements de l'adoration. Il nous apprend les fondements de l'adoration. قال واعلم أن للعبادة أربع قواعد. Il va nous enseigner quatre règles. En nous disant que ces quatre règles-là, liées à l'adoration, ce sont les fondements de l'ibada. Et dans إفادة المستفيد, l'auteur, au début de l'explication de celle-ci, dit une très belle parole. Il dit une très belle parole pour comprendre l'importance de celle-ci. قال واعلم أي انتبه لهذه المسألة أن للعبادة أربع قواعد أي أن للعبادة أربع قواعد لابد أن تتحقق فإن نقص شيء منها لم تتحقق العبادة. Ces quatre règles-là. Le dévot, l'adorateur du Créateur, qui veut réaliser l'adoration d'Allah, il doit pratiquer ces quatre choses. Sinon, son adoration ne se réalisera pas. C'est pour ça que ce sont quatre éléments essentiels, quatre règles essentielles pour la réalisation de l'adoration. Et je vais vous les énumérer, je vais vous lire la traduction, comme ça on se quitte avec l'apprentissage de ces quatre règles qui sont très importantes. Donc, c'est notre souci à nous, de tout musulman, toute musulmane, les croyants adorent leur créateur. Et ce qu'on veut, c'est que on puisse réaliser ce but pour lequel notre Créateur nous a créés. Ça, c'est notre croyance. Hadi aqidatuna. C'est la croyance du croyant. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cette adoration, on arrive à la réaliser. C'est ça notre but. Antatahaqqaq hadi al-ibada. Pour qu'elle se réalise, l'auteur nous enseigne quatre règles très importantes pour la réalisation de celle-ci. Qala wa antabi li hadhihi al-mas'ala. Donc c'est pour ça que l'auteur d'Ifadat al-Mustafi dit sois très attentif concernant cette question-là. Et il dit ay lil ibadati arba qawaid, que les adorations sont liées à quatre règles. La budda an tatahaqqaq. Ces quatre règles doivent impérativement se réaliser. Si, il dit, il y a une déficience à travers celle-ci ou dans celle-ci, l'adoration ne sera point réalisée. Quelles sont ces règles-là ou ces éléments essentiels de l'adoration? Je vous traduis littéralement ce que dit l'auteur dans son œuvre. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de rajouter puisque c'est très clair. Explicite et dit. Sache que l'adoration repose sur quatre fondements. Il consiste à rechercher ce qu'Allah et son messager aiment et agréent. Cela se vérifie au niveau du cœur, de la parole, des actes. L'adoration est un nom générique qui englobe ces quatre étapes à la fois. Pour être un vrai adorateur, il faut fournir ces quatre étapes. Vous avez vu comment l'auteur il nous enseigne, il faut ces quatre choses. Et donc il dit que, en réalité, l'adoration wa ismun jami'a. C'est un nom général, générique, qui englobe ces quatre choses. Qala. La première chose, il y a la prononciation du cœur ou la parole interne, ou intérieure. C'est ce qu'on appelle qawlul qalb. C'est la parole du cœur. La parole du cœur. Elle consiste à croire aux enseignements qui proviennent du Seigneur ou de son messager. Au sujet de son essence, au sujet de ses noms, au sujet de ses attributs, au sujet de ses actions, de ses anges, et de sa rencontre, etc. Ça, c'est lié au cœur. La parole du cœur. Donc ça, c'est une base essentielle. C'est la première règle que mentionne l'auteur, la prononciation du cœur ou la parole interne. Deuxièmement, il dit, il y a la prononciation verbale ou la parole extérieure. Maintenant, on a, après qawl al-qalb, après la première, c'est qawl al-qalb, la parole du cœur. Maintenant, on a la parole de la langue. À travers la bouche. Il y a la prononciation verbale ou la parole extérieure. Elle consiste à exprimer ses enseignements, à les prêcher, à les défendre, à dénoncer l'innovation al-bida qui vont à l'encontre et à évoquer le Seigneur et à répandre sa religion. Troisièmement, il dit, il y a les actes du cœur. La différence, la première c'était la parole du cœur. Là, la troisième, c'est lié au cœur mais ce sont les actes du cœur. On comprend donc que dans le cœur, il y a aussi bien la parole comme il y a l'action. Donc on a des paroles du cœur, c'est ce qu'on appelle des paroles du cœur, et on a les actions du cœur. Ce sont les adorations du cœur. Et il y a les actes du cœur, comme le sentiment d'amour envers Allah. L'amour qu'on a pour notre Créateur, c'est une adoration, une action du cœur. Il dit, il y a la sincérité, al-ikhlas. La sincérité, c'est une action du cœur. La patience face à ses commandements et à son destin. Il a compte de s'en remettre à lui. Il fait allusion au tawakkul. Le tawakkul est une action du cœur. De revenir à lui, d'avoir peur et espoir en lui. La crainte qu'on a dans notre Créateur, cette peur qu'on a en lui, l'espoir qu'on a en sa miséricorde, en Allah Azza wa Jal, ça fait partie des actions du cœur. Aimer, détester en lui, se dévouer à lui, être apaisé à son rappel, etc. Cette étape est plus importante que la dernière étape. Regardez ce qu'il dit. Cette étape est plus importante que la dernière étape. Elle est très importante. Et la quatrième, il dit, il y a enfin les actes physiques. Les actes physiques, les actions des membres. Comme par exemple, la prière. La prière, c'est une adoration, par exemple, des membres. Et ici, il va citer des actes d'adoration. Comme par exemple, il dit, comme qala as-salat wal jihad, les pas en direction de la mosquée, pour la prière quotidienne, ou celle du vendredi, venir en aide aux pauvres et aux faibles, aider les pauvres, aider les faibles. Tout ça, c'est des actions. Des membres, ce sont des adorations qu'on appelle corporelles. Comme par exemple le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une action corporelle, qui est mêlée bien sûr aussi aux financiers puisqu'on dépense. Le jeûne, par exemple le jeûne du mois, du ramadan. La prière, le fait d'aller à la mosquée, le fait de prier, le fait de se lever la nuit par exemple et de prier la prière nocturne, tout ça c'est des adorations des membres. En disant, et il termine en disant « Iyakana abud » dans le verset de la sourate al-Fatiha, « C'est toi que nous adorons ». Le fidèle s'impose et reconnaît toutes les lois qui concernent ces quatre fondements en disant « Et c'est ton aide que nous recherchons ». Et bien sûr, pour réaliser l'adoration, on ne pourra la réaliser, comme on avait dit au début de l'étude de cette œuvre, sans demander l'aide du Créateur. Et si tu arrives à réaliser l'adoration, c'est que ton Créateur t'a aidé. Allah t'aide. Sinon, tu ne pourras point réaliser l'adoration. C'est pour ça qu'on dit « Iyyaka na'budu », c'est toi que nous adorons, c'est-à-dire toi seul que nous adorons, et on dit « Wa iyyaka nasta'in ». Ça, faut le méditer. À chaque prière, lorsqu'on le dit, ou lorsqu'on prie derrière l'imam, et on entend l'imam dire « Iyyaka na'budu » »« Wa iyyaka nasta'in », on est en train de s'engager à n'adorer que notre Créateur. « Wa iyyaka nasta'in », c'est toi dont nous implorons l'aide, l'assistance. « Al-aoun », c'est l'aide et l'assistance. Pourquoi ? Parce que si vraiment tu veux réaliser l'adoration d'Allah, il faut l'aide de ton Créateur. Tu dois lui demander de l'aide. Sinon, si tu es voué et laissé à toi-même, tu ne pourras pas réaliser l'adoration du Créateur. C'est pour cela qu'il y a deux sentiments à avoir. Lorsque tu vois que tu arrives à adorer ton Créateur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Sois heureux. Parce que cette réussite-là, Allah l'accorde aux gens qu'il aime. Réjouis-toi et sois heureux. Et si tu te réjouis, tu es heureux, ça va te mener à remercier ton Créateur. Et plus tu le remercieras, plus Allah Azza wa Jal te rajoutera. Pourquoi ? Parce que Allah aime les serviteurs reconnaissants. وَجَعَلْنَا مِنَ الشَّكِرِينَ. La reconnaissance du Créateur, remercier le Créateur, ça fait partie des plus grandes actions, comme on l'avait déjà dit. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ أَمَنْتُمْ وَشَكَرْتُمْ. Qu'est-ce qu'Allah fera de votre châtiment ? إِنْ أَمَنْتُمْ وَشَكَرْتُمْ. Si vous avez cru en lui et vous l'avez remercié. Pourquoi voulez-vous qu'Allah vous châtie ? Nous dit Allah Azza wa Jal dans un verset, si on croit en lui et on le remercie. Le remerciement est une adoration immense. Est une adoration jusqu'à ce que certains savants considèrent que le riche qui remercie est meilleur que le pauvre qui patiente. Selon l'avis de certains savants. Certains considèrent que c'est le pauvre qui patiente dans sa pauvreté qui a un plus haut degré auprès du Créateur. Puisque les savants ont traité cette question comme on l'avait dit. Quel est le meilleur ? Pourquoi ? Parce que la richesse est une épreuve aussi. Il y a des gens qui vivaient une vie modeste, lorsqu'ils ont été touchés par les richesses, ils ont tout oublié. Même certaines bonnes valeurs qu'ils avaient, les gens les aimaient, ils avaient des bonnes valeurs, ils ont oublié, même des proches. Parce que certains disent, moi il m'a oublié, j'étais son ami d'enfance. Mais toi t'étais son ami d'enfance, mais il avait son frère, il avait ses sœurs, certains ont même oublié leurs parents. Toi tu me parles d'amis d'enfance. Certains ils ont même oublié leurs parents. Ils les visitent une fois tous les 6 mois. C'est ça les parents ? Ils méritent de les visiter une fois tous les 6 mois ? Celui dont sa mère est vivante, il faut tout le temps être là. Celui dont son père est vivant, il faut tout le temps être au chevet de ses parents, ses pères et mères. C'est pas je l'ai appelé une fois dans la semaine, il est content. Mais certains, c'est une fois dans l'année. Il y a des gens, ils n'ont jamais visite d'enfants. Ils terminent seuls. Et donc, c'est pour cela. Certains sont éprouvés par la richesse. C'est une épreuve, hein. Les personnes changent avec l'argent et les biens. Et d'autres, c'est la pauvreté. Mais le riche qui remercie, il s'élève auprès d'Allah. Attention, il y a des gens qui sont riches, mais ils sont pieux. Il y a d'autres qui ne sont pas contents. Dis, regarde, un tel, il a de l'argent. Bah, alhamdoulilah. On est content pour lui. Et en plus, il fait du bien avec son argent. Vous voulez que tout le monde soit démuni ? Alhamdoulilah. Qu'on a des gens, par exemple, des gens qui viennent à la mosquée, des gens de la communauté, des gens, des voisins qui sont, alhamdoulilah, qui sont riches, tant qu'ils sont reconnaissants. C'est qui va aider les nécessiteux ? Alhamdoulilah, il faut être content pour les autres. Espère le bien pour les autres, tu vas avoir de ce bien-là. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث محمد Donc très vite pour terminer en quelques minutes Alhamdulillah. Donc celui qui voit que qui constate qu'il arrive à adorer son créateur et qu'il a une facilité en cela malgré que c'est une patience, c'est pas facile, mais qu'il arrive à adorer son créateur, qu'il se réjouisse, qu'il soit heureux. Et donc, ça le mène au remerciement, de remercier Allah Azza wa Jal. Et Allah te rajoutera. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, ne pas se penser à l'abri. Ne pas se penser à l'abri. Et ensuite, tomber dans un piège qu'on appelle i'jab an-nafs, l'infatuation de sa propre personne. Un amour démesuré de sa propre personne. L'amour propre. De se dire, moi, j'arrive à faire mes 5 prières à la mosquée. Moi, je fais des actes de gens pieux. Moi, je fais des actes de gens vertueux. Et ça, c'est une porte que Shaitan peut t'ouvrir. Ne te sens jamais à l'abri. De te dire, moi, je suis meilleur que l'autre. Demain, tu peux être égaré et l'autre que tu pensais moins vertueux et pieux que toi, lui, Allah va le guider. Donc, il faut remercier Allah Azza wa Jal et toujours demander à Allah Azza wa Jal la constance. La constance et la persévérance. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous aide. Et ça, c'est très important pour ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. En réalité, tout le livre a été bâti sur ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puisqu'on l'a évoqué au début du livre. On l'a évoqué au milieu du livre. Et on l'évoque aussi maintenant à la fin de l'œuvre. À la fin de l'œuvre. Ibn al-Qayyim, Madarij al-Salikin, son livre, il l'a bâti, fondé sur ce verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Et c'est de toi dont nous implorons l'aide. Donc, pour réaliser l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il faut implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur termine en disant donc, il recherche l'aide d'Allah afin de les mettre en pratique. Et en disant, guide-nous sur le droit chemin. Il réclame ces deux choses à la fois en détail. Il invoque Allah de pouvoir les mettre en pratique et d'emprunter la voie de ceux qui cheminent vers lui. Vous avez vu, c'est très pertinent parce que dans la Fatiha, lorsqu'on dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ô Seigneur, c'est toi dont nous adorons, que nous adorons. Et de toi dont nous implorons l'aide, al-aoun, ensuite on dit, et guide-nous vers le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Guide-nous dans le droit chemin. Sirat al-mustaqim. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider vers Sirat al-mustaqim. Regardez, l'auteur dit, il invoque Allah de pouvoir les mettre en pratique, c'est-à-dire l'aide de pouvoir réaliser cette adoration, d'emprunter la voie de ceux qui cheminent vers lui. Puisque lorsqu'on chemine dans le droit chemin, on chemine vers Allah Subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur termine son livre, cette belle et immense œuvre, en disant Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui, par sa grâce et sa bonté, permet de parvenir à la réussite. De parvenir à la réussite. Enfin, les seules louanges reviennent à Allah. Et il conclut son livre comme cela. Et l'auteur de Ifadat al-Mustafid arrive à ce passage lorsque l'auteur dit وَتَمَّ الْكِتَابُ بِعَوْنِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ قال جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين على هذا الكتاب النفيس المختصر الذي تضمن عقيدة أهل السنة والجماعة وهو كتاب عظيم فجزاه الله خيرا وأثابه ونفعنا بما فيه من العلم النافع. من العلم النافع. Et comme cela, on a terminé cette œuvre, ce livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid. On remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis de pouvoir lire cette œuvre et de terminer l'étude de cette œuvre en demandant à Allah de nous pardonner. S'il y a eu des erreurs, ça vient de nous-mêmes et de Shaitan. Et s'il y a eu du vrai dans ce qu'on a dit, tout cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. En demandant à Allah, nassal Allah jalla wa ala, an yaj'alaha fi mizan al-hasanat, yawm al-qiyama fi mizan al-hasanat al-jami'a. Sur le registre et la balance des bonnes actions de chacun d'entre nous. En lui demandant qu'il nous réunisse au paradis. Imaginez-vous au paradis. Aujourd'hui on est là, le temps passe très vite. Hier on était enfant, on était petit, aujourd'hui on est plus grand, on est proche. Imaginez-vous demain au paradis. Si Allah nous qaddar. Et on se voyait à la mosquée, imaginez-vous on se voit au paradis et on se rappelle. Lorsqu'on était fils de dunia, on était à la mosquée. Et certains peuvent se remercier. Baraklofik, des fois tu m'as conseillé. Tu m'as dit ça. Imaginez-vous, les délices du paradis, si on y accède, ça sera éternel. Ça sera éternel. Il y aura plus de mal. Imaginez-vous celui qui rencontre ses parents. Vous savez, lorsqu'Allah, dans le Coran, il parle de la grande perte. Vous savez, c'est quoi la plus grande perte? C'est celui qui va perdre les siens aussi. Al-Khusran ul-Mubin. C'est quoi? C'est celui qui va aller vers le châtiment, il va perdre les siens aussi. Imaginez-vous, lui, les siens sont au paradis et lui n'y est pas. Ça, c'est le khusran ul-mubin. C'est la grande perte. Et la grande réussite et le triomphe, c'est lorsque le croyant, il est avec ses proches, avec ses bien-aimés, avec ses amis. Imaginez-vous, il se retrouve au paradis. Il a enduré ici-bas. Parce qu'ici-bas, c'est la demeure de l'épreuve. Il faudra endurer. Il y a des maladies, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le paradis est entouré de l'makari, des choses qu'on déteste, des choses qu'on n'aime pas forcément, des choses qui sont dures pour nous. Mais une fois rentré au paradis, il va oublier tout cela. C'est une vie, il n'y aura plus de tristesse, plus d'angoisse, c'est éternel. Vous savez, un jour, j'ai une personne qui n'est pas croyante, qui ne croit pas. Alors, un jour, on était dans une discussion et la personne, on lui a évoqué un peu la description du paradis. Comment Allah Azza wa Jal décrit le paradis. Les palais, les briques sont en or, les arbres, les troncs sont en or, les branches sont en émeraude. Et une description du paradis. Alors la personne, lorsqu'il écoutait la description du paradis, il ne savait pas quoi dire. Parce qu'il entend la description du paradis. Je lui dis, tu te rends compte, si tu te trompes, qu'est-ce que tu vas rater? C'est la récompense du Créateur. Ne crois pas que tu es là comme cela. Parce que sinon, ça veut dire que celui qui fait du mal sur terre, les grands criminels qui font du mal sur terre, qui commettent le meurtre, qui tuent des enfants, qui font du mal, des génocides, ils meurent, il n'y a pas de jugement. Et celui qui était bon, qui était honnête dans sa vie, il a fait que du bien, il a aidé les pauvres. Il était dans l'entraide, dans le respect de ses voisins. Il a enduré dans l'éducation de ses enfants. Il a travaillé dur. Lui, il est comme les criminels. Il est comme le malfaiteur. Donc le bienfaiteur et le malfaiteur sont pareils. Il meurt, il n'y a plus rien. Mais pour les bienfaiteurs, lorsqu'il a entendu la description du paradis, il a dit, j'aimerais trop y croire. Mais, il m'a dit, je connais personne qui est allé, qui a vu et qui est revenu. Et qui m'a dit que c'est la vérité. Alors là, on lui a dit, donc tu n'as pas compris c'est quoi la foi. Elle y mène. Toute cette récompense-là, elle est liée aussi au fait de quoi? De croire en ce que tu n'as pas vu. Parce que si tu l'as vu, il n'y a plus de mérite. C'est pour cela que les morts, lorsqu'ils diront, ô Seigneur, fais-moi revenir. Allah ne les fera pas revenir. Parce que maintenant, ils ont vu. Ils ont vu que c'est la vérité. Donc maintenant, il n'y a plus de faïda qu'ils reviennent. Il n'y a plus de faïda. L'un des grands mérites, c'est de croire juste, c'est ça l'imen. Sinon, c'est pas l'imen. فَنَسَّلَّهَا جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُثَبِّتَنَا يَمْقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وفقكم الله لما يحبه ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين et on remercie Allah عز وجل qui nous a facilité ces assises. Et donc demain, Inch'Allah, si Allah nous le permet, on commencera un nouveau livre, comme on l'avait dit, on commencera déjà par Al-Qawa'id al-Muthla, Inch'Allah. Donc un livre sur les noms d'Allah, les noms sublimes d'Allah, les attributs d'Allah. On va essayer de connaître notre Créateur, qui est notre Créateur, à travers l'étude de ces livres, de ces noms et de ces attributs. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum.